Maintenant, on est... Excusez-moi, je n'arrive plus à parler. on retrouve Jérôme et Patrice. Enfin, cette fois-ci, seulement Jérôme, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Voilà. Tourner chacun son tour. T'as deviné. Dimanche, c'est Jérôme. Pour les objets singuliers. Et donc, cette fois-ci, avec quoi es-tu venu ? Comment ça marche ? Derrière, il y a un interrupteur. Alors, Jérôme est en train d'essayer d'allumer la platine vinyle pour nous faire nouveau écouter. Setup. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, donc avec Patrice, on avait l'idée en fait de faire comme ça sur la semaine des présentations d'objets incongrus ou des disques faits par des auteurs, parfois pas forcément musiciens, ce qui va être le cas avec mon micro-label. Et on va vous faire comme ça une série d'écoutes voilà, qui dure quelques minutes pendant la semaine. Et donc aujourd'hui, ben, j'ai débuté cette série avec un disque où il n'y a en fait pas grand-chose dessus. Donc c'est un peu le degré zéro du disque. Dans le jargon, on appelle ça un uncut en fait. C'est une forme qui existe depuis les années 70-80, on va dire, où on s'intéresse plus à la manière où on écrit l'objet disque que véritablement quelle est l'information qui est dessus. Donc c'est moins ce qu'on enregistre que comment on enregistre. Donc c'est vraiment les uncut, donc c'est vraiment lié à la gravure. Et le premier disque que j'ai réalisé avec mon micro-label, j'ai travaillé avec un photographe qui s'appelle Guillaume Janot, qui est français, et il m'a fait cette proposition-là. Alors, pour les auditeurs, eh ben, c'est pas très compliqué. Imaginez exactement un ersatz, ce qu'on appelle une cover, en fait, de Hartmut Moser. Mais c'est pas la vache anglaise sur son ground, c'est bien une vache française avec ses mouches, puisque à la photographie, on n'a surtout pas retiré ce qu'il y avait autour. Et c'est assez marrant parce que c'est une série qui a été faite par Guillaume sur l'île de Bas, en face de la Bretagne. Et il a fait une série de vaches, voilà, tout simplement. Et évidemment, comme il travaille au 6-6, donc en format photo classique, il s'y retrouve au format carré. Et lui, il avait un CD, non pas l'album en 33 tours. Donc rapidement, il a fait le rapport en disant « Putain, je connais cette image ». Et il a regardé dans ses CD et il a vu effectivement véritablement le même type de modèle. Il faut dire que les vaches, elles n'ont pas 10 façons de se présenter devant l'appareil photo. Mais ce qui était assez drôle, c'est que par ce point de vue et ce regard, il s'est aperçu que la boîte de graphiste anglaise qui travaille avec les Pink Floyd avait fonctionné de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a eu une commande de l'album, les gars ne savaient absolument pas ce qu'il y a à voir dessus, et le photographe de la boîte, que je vous retrouverai le nom, j'ai même pas le nom, tiens. Je crois que c'est Nemesis. C'est Nemesis, qui a fait depuis, enfin, qui a vraiment commencé avec Pink Floyd dès le départ, de Dark Side of the Moon en particulier. Et Nemesis, donc en fait, ils ont bossé cette pochette. Simplement, le photographe est allé pareil, il s'est arrêté un moment dans le paysage, il a vu des vaches, il les a prises en photo, basta. Et c'est comme ça qu'il a fait cette proposition. Le groupe a été fan total, on dit on la prend, sans savoir évidemment ce qu'il allait avoir sur le disque pour les graphistes. Donc du coup, cet objet qui devient une espèce de cover, donc, qui est vraiment fait partie de l'histoire de la pop musique à part entière, je suis parti de cet objet, donc cette espèce de degré zéro et de mise à déconstruction en fait, de ce rapport-là. Et moi, j'ai décidé de proposer un disque qui paraît déconstruit tout, où il n'y aurait rien. Ben, ce n'est pas facile de graver rien. Ce n'est pas facile, mais on a trouvé. En fait, on est descendu dans le spectre de lumière. Donc, pour rappeler très succinctement comment on fait, on travaille donc avec une matrice. Cette matrice est un négatif. Ce négatif, en fait, est écrit, donc elle est gravée. On envoie une information. Il faut que le stylus puisse bouger électriquement par rapport à l'information. Donc, vous pouvez bien imaginer, pour mettre rien, ça veut dire qu'il faut mettre peu d'informations. Donc, le stylus, il faut quand même qu'il puisse bouger pour graver. Et en fait, on est descendu très très très très bas dans le spectre, enfin plutôt très très haut. Et en fait, on a trouvé la lumière. C'est de la lumière. On a mis la fréquence de la lumière. On s'est aperçu que le Silus pouvait encore bouger et graver. Donc, en fait, ce que vous allez entendre, c'est un espèce de vide absolu et c'est de la gravure de lumière. Voilà. On entend la vision en soi. Ça fait très illuminé comme ça. C'est le mot. Donc, comme on est à la radio, et je ne connais pas bien le format, je suis très analogue, évidemment, vous avez bien compris, donc je n'oserais pas faire avec la table. Donc, je vais demander, en fait, de monter le volume, déjà. Voilà, on peut encore monter, sans problème. Donc on a les éléments constituants du disque, évidemment. Le premier, bah, c'est ce que effectivement, souvent beaucoup de gens essayent de retirer, c'est-à-dire la poussière, les pics, etc. En fait, c'est ce qui va s'accumuler sur la surface. Donc déjà, ça c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Alors celui-là, il est relativement neuf, mais il y en a un que je joue, que je traîne. Donc en fait, les sillons vont avoir une accumulation de petits points, de taches, de grains, etc. Donc on a vraiment une espèce de cosmologie comme ça qui s'installe à l'intérieur de la surface écrite. Donc du coup ça habille et habite la surface, donc habite cette lumière. Et l'autre paramètre, c'est qu'on peut jouer aussi, évidemment, paradoxalement, avec aussi les graves, les médiums et les aigus. Donc si vous avez envie, on peut mettre ce qu'on veut au niveau des fréquences. Moi j'ai une question, c'est une démarche que tu as avec l'objet vinyle, ou il y a quelque chose qui peut se déplacer sur d'autres formes de support, sur un CD, sur une cassette. Alors c'est une démarche qui est principalement conçue pour le vinyle. Alors, en fait, le label est né de cette envie. Voilà, par exemple, on a comme ça un autre type d'image, on peut dire. Le label est vraiment né de ça. En fait, c'est uniquement s'inscrire, au sens fort du terme, sur une pratique de l'objet vinyle et proposer à des gens qui ne sont pas forcément musiciens. Donc ça a aussi l'intérêt, en fait, ça devient presque comme une surface d'exposition. Donc il s'est trouvé que moi, je fais partie d'une génération où on était encore beaucoup avec des disques vinyles. Pas mal de DJ, donc on a eu ce rapport à la pop culture qui venait par ce biais-là, à la fois de l'archive, de la transmission en fait d'une culture, et aussi de la jouer. Moi j'ai traversé les années 90, donc ça a été autant au travers du hip-hop, du turntablist, que de la tech. Donc le vinyle a toujours été présent, à un moment donné où il a disparu. En fait, il est sorti de la culture de masse pour repartir du côté de l'underground. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, il a retrouvé les marges. Donc en fait, en faisant ce micro-label, c'était aussi de questionner ces marges. En fait. Donc de repositionner des formes d'écriture, des formes de provision de toutes sortes. Donc là, le premier, c'était un espèce de disque degré zéro. Donc ça me plaisait aussi beaucoup. Donc l'idée du uncut d'un côté, de cette image qui faisait un cover, un objet fantôme en fait. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, l'idée de la hantise. Et je trouve que c'est un objet où la question de la hantise est très importante. Surtout quand on connaît l'histoire un petit peu de ces médiums dans leur genèse, puisque c'était lié au spiritisme, au spiritualisme en anglais. Donc c'était aussi une façon de reproduire une question sur le merveilleux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je vois même aujourd'hui, quand les gens vont sur le stand et regardent les objets, ils regardent d'abord les objets et il y a qu'il se passe quelque chose. On sent qu'ils ont envie de soit les entendre ou simplement l'évocation que ça peut proposer. Donc c'est quelque chose qui nous rassure. Et je m'aperçois avec des générations beaucoup plus jeunes, donc qui sont totalement dans le cloud, le fait d'être se rapprocher des disques, ça les rassure. Parce qu'en fait, ça les met dans une situation d'une histoire, d'une archive. Ce qu'ils n'ont pas du tout avec le cloud, parce qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Donc ils sont dispersés, et ils ont besoin de se raccrocher. Le disque, comme la cassette, comme des supports comme ça, analogues, ça les rassure. Ils s'inscrivent dans une histoire et le fait de se les réapproprier, et en fait, ils se réapproprient une histoire. Bah, en fait, en entendant ce vinyle, en entendant ce qu'on a écouté hier et en t'entendant parler, enfin, toi, tu parles de fantômes, moi, le mot qui me vient, c'est absence. Hein, et justement, et quand tu parles du cloud, enfin, tout d'un coup, moi, je repense au son où on est dans des sons surcompressés, où on doit entendre absolument à un niveau très, très fort. Et puis, d'un coup, là, on revient au rien et il y a une forme de disparition. On est plus proche d'une certaine idée de l'inframince, en fait. De quoi ? De l'inframince. C'est quelque chose qu'on a, bah, qu'on voit avec le spiritualisme en particulier, mais il y a des œuvres comme ça qui ont été un peu marquantes, qui sont bah, les élevages de poussière de Duchamp et de Man Ray, où on a effectivement comment collecter en fait une espèce d'insignifiance du quotidien, d'un ordinaire, mais par le truchement, le prisme d'un appareil non objectivé, donc l'appareil photo ou autre, quand il se déplaçait d'un champ. Naturaliste, documentaire, etc., qui rend dans notre... Bah, ce que je vais cadrer, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu sous cette forme-là, mais le fait de prendre cette image va produire autre chose. Donc la chose qui est vue perd son échelle, perd... y a plein d'éléments qui... comme ça, et on dit, ah mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on voit ? Bah, en fait, c'est la trace d'un meuble sur un lino ou un parquet. Donc évidemment, là, d'un coup, quand on sait ça, ça perd toute... toute magie, mais si on dit rien et qu'on découvre ce truc-là plus avec un titre presque comme une formule magique, d'un coup il y a une puissance de sensorialité et d'imaginaire et de création qui se met en place. Et c'est marrant parce que quand tu parles de compression, on s'est aussi posé beaucoup la question, mais je pense que au niveau du temps je vais être plus que cric-crac, bah, ce sera un autre moment dans la semaine, mais je suis dans un studio qui grave. Donc je suis à la première étape. C'est aussi pour ça que ces questions-là m'intéressent. C'est-à-dire que je peux intervenir, pour moi personnellement, sur les premières étapes. Et la question de la compression, c'est une question qui est très importante sur la manière dont on reçoit les informations et les fichiers. Et ce pourquoi on demande aux gens, pourquoi vous voulez graver un disque ? On restera là-dessus. Merci beaucoup Jérôme. Merci beaucoup. Toujours très très intéressant votre intervention. Merci à vous. Et puis on te retrouve demain, à moins que ce soit Patrice demain. C'est Patrice demain. Ouais. Donc dans 2 jours pour la suite alors. Super. Merci.